votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. Ben, on va commencer le bulletin de sport local et régional avec une grosse rumeur qui a été lancée sur les ondes de CJSO samedi soir par notre collègue Gilles Péloquin qui décrit les matchs des Éperviers de Sorel. Entre la première et la deuxième période, Gilles Péloquin a mentionné que Robert Val joindrait les rangs de la Ligue nord-américaine et dès l'an prochain et la nouvelle sera annoncée d'ici un mois. On va écouter là-dessus Gilles Péloquin sur les ondes de CJSO entre la première et la deuxième période et j'aimerais remercier évidemment la station de radio de Sorel pour l'extrait audio que vous allez entendre. Selon nos sources à CJSO et à Média en direct, il semble de plus en plus qu'on va annoncer entre le 14 mai et le 10 juin, Berlin s'amène comme 7e concession, Robert Val comme 8e concession. Donc, c'est à surveiller et ça donnerait, et c'est mon scénario, mais ça peut l'être aussi à la Ligue sur papier. Gilles Péloquin mentionne même que Robert Val ferait partie d'une division avec les Marquis de Jonquin, également Saint-Georges-de-Beauce et Rivière-du-Loup. La division 2, je vais l'appeler, tiens, Roger Doyon, homme hockey des premières heures avec Saint-Georges-en-Beauce, Jonquière, Robert Val, Rivière-du-Loup et Saint-Georges. Là aussi, on aurait ce calendrier de 4 matchs chacune à domicile et sur la route et Jonquière. Gilles Péloquin est un journaliste évidemment très branché sur le commissaire de la Ligue nord-américaine, Richard Martel, donc il faut donner quand même une crédibilité à cette nouvelle. Pas besoin de vous dire, je vais tenter de rejoindre aujourd'hui la maire de Robert Val, Sylvain Côté, pour en savoir davantage là-dessus. Gilles Péloquin sera mon invité demain également sur les ondes de danradiosport.com pour sa chronique habituelle. Maintenant, on va parler du championnat scolaire de hockey qui a eu lieu à Alma en fin de semaine. Défaite des Lynx d'Alma au niveau cadet. Les Lynx qui ont perdu au cours de la fin de semaine en quart de finale. Une défaite crève-cœur par la marque de 3-2. Les Lynx qui ont été victimes de 2 buts en infériorité numérique. C'est quand même très, très décevant pour une fin de saison pour les Lynx. Eux qui ont dominé le classement de la Ligue avec une fiche de 45 victoires, 3 défaites. Les Lynx qui ont perdu contre la formation de l'école Coteau. C'est une formation qui, semble-t-il, est basée dans la région de Montréal. Et la formation de Jean-Normand Tremblay a quand même tiré 45 fois sur le gardien de l'équipe gagnante. Le responsable du tournoi, Pascal Fillon, sur les ondes de danradiosport.com, s'est dit quand même content de l'événement. Bien, c'est notre deuxième année où on a l'occasion ou la chance d'avoir le championnat. Présentement, je vous dirais que depuis 3 jours, on a une bonne amélioration au niveau du nombre de personnes dans l'aréna. Dans la première journée, on a vendu 550 passeports quand même, là, avec peut-être 150-200 entrées individuelles. Fait que ça va très bien. Est-ce que le rendement des Lynx? Ville-Saguenay était l'autre hier de la 35e édition du 10 de cœur et il y avait quelques 475 coureurs qui ont participé à l'événement. Je vous donne les résultats pour les athlètes d'ici. Marie-Claude Brassard, qui est native de Saint-Augustin, mais qui porte maintenant les couleurs du club ultraviolet, a terminé au deuxième rang au 10 km avec un temps de 39 minutes 42 secondes. Au 5 km féminin, Sylvie Lavoie de Saint-Augustin a terminé au troisième rang avec un temps de 21 minutes 16 secondes. Au 3 km féminin, Josiane Dubois du club du Mille de Dolbeau-Mistassini a terminé au troisième rang avec un temps de 13 minutes 39 secondes. Et on a également un résultat au 1 km féminin de Lily Rose Tanguay de Saint-Félicien qui a terminé au deuxième rang dans sa catégorie avec un temps de 3 minutes 59 secondes. Et Antoine Duchesne de Chicoutimi a pris le 73e rang hier lors du Tour de Roumanie. C'était la dernière étape de cette épreuve. Le sport local et régional, à danradiosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.